Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. ものをお見せします。どこにあるかを指差しで教えてください。ものをお見せします。どこにあるかを指差しで教えてください。 Montrez-moi où est l'enveloppe. 封筒はどこですか？封筒はどこですか？ Montrez-moi où est la clé. 鍵はどこですか？鍵はどこですか？ Montrez-moi où est le rasoir. カミソリはどこですか？カミソリはどこですか？ Montrez-moi où est le verre. コップはどこですか？コップはどこですか？ Montrez-moi où est le crayon. 鉛筆はどこですか？鉛筆はどこですか？ Montrez-moi où est le téléphone. 電話はどこですか？電話はどこですか？ Montrez-moi où est la montre. 時計はどこですか？時計はどこですか？ Montrez-moi où sont les ciseaux. ハサミはどこですか？ハサミはどこですか？ Montrez-moi où est le peigne. くしはどこですか？くしはどこですか？ Montrez-moi où sont les lunettes. メガネはどこですか？メガネはどこですか？